Alfred. Tu peux lui parler français, je crois qu'il est français. Un peu de batterie, non? Alfred, merci Alfred. Trop bon son truc. Bon, dommage que c'est un peu aléatoire comme ça. Mais sinon, c'est pas mal. Monte un peu, Alfred. denrée. Ah oui. Ok.